bonsoir. Aujourd'hui, c'est à Shanghai que je vous emmène en compagnie du grand reporter Albert Londres. Janvier 1932, Shanghai est une drôle de ville, immense, avec son port, le plus grand d'Asie, cosmopolite. Toutes les nationalités du monde s'y retrouvent, hétéroclite avec ses maisons de style chinois, art déco ou néo-gothique. Shanghai est le centre financier de la Chine et en même temps la capitale du jeu, du trafic d'opium et de la prostitution. Une ville en pleine expansion qui attise l'appétit des Occidentaux, mais aussi du Japon. Il y a 4 mois, l'armée japonaise a envahi la Mandchourie et déferle maintenant sur Shanghai, qui pendant 6 semaines va subir ses bombardements incessants. C'est dans ce contexte pour le moins agité qu'Albert Londres, la star alors du journalisme, débarque à Shanghai. Pendant plusieurs semaines, Albert Londres télégraphie chaque jour à son journal français un article sur le conflit sino-japonais. Mais début mars 1932, curieusement, il disparaît, pour ne réapparaître que fin avril. Entre-temps, qu'a-t-il donc découvert et quelle vérité s'apprête-t-il à révéler ? De la dynamite, dira-t-il, de la dynamite. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Jean-Claude Guibaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, éditeur, vous avez longtemps été grand reporter, correspondant de guerre, même pour plusieurs journaux, Sud-Ouest, Le Monde, Le Nouvel Observateur. Vous faites aussi partie du club des lauréats du prix Albert Londres, c'était en 72, je crois. Oui, pour le Vietnam. Pour la guerre de Vietnam, oui. Un prix donc prestigieux de grand reportage, créé en 1933 par la fille d'Albert Londres. Et pour couronner le tout, si j'ose dire, Jean-Claude Guibaud, vous étiez cette année le président du jury, enfin vous l'êtes depuis 10 ans, je crois, donc du jury du prix de la 23e édition du prix Albert Londres, décerné justement à Londres, le 27 mai dernier, on en reparlera tout à l'heure. Avant d'écouter donc la fiction dans quelques minutes, qui est consacrée au dernier grand reportage d'Albert Londres, un reportage ô combien mystérieux, Jean-Claude Guibaud, pouvez-vous nous rappeler qui est Albert Londres en 1932, quand il débarque en Chine ? Il est, à ce moment-là, il est au sommet de sa gloire, on peut dire qu'il est au sommet de sa gloire, parce qu'il a commencé véritablement à faire du journalisme de guerre pendant la guerre de 14-18. Ah, c'est là, c'est le moment où il s'est fait connaître. Il était jeune reporter, avec un extrême talent d'écriture, c'est-à-dire une écriture tout de suite du Albert Londres, si j'ose dire, sans graisse, sans redondance, sans pathos, direct, clair, net, musclé, si j'ose dire, affûté, comme diraient les sportifs maintenant, et aussi avec une indépendance et une liberté d'esprit formidable. Ce qui fait que dès l'origine, dès 14-18, il est l'auteur de formules qui sont passées dans le langage courant, par exemple. C'est lui qui a inventé l'expression « le bourrage de crâne ». Ah oui. Pour protester contre, en fait, la propagande de l'état-major, qu'il s'agissait toujours pour lui de déjouer et qui aboutissait au bourrage de crâne. Oui, il n'était pas très ami de Clémenceau. Clémenceau ne l'aimait pas beaucoup, pas du tout, et c'est pour ça qu'il a aussi inventé une autre expression, parce que quelquefois, ses patrons de journaux lui reprochaient de ne pas respecter la ligne, et un jour, il a répondu pour un reporter: il n'y a qu'une ligne qui compte, c'est la ligne de chemin de fer. Aha. Et cette expression est passée, elle aussi, dans le langage courant. Donc en 1914, c'est son début grand reportage, enfin le correspondant de guerre, on peut dire, puisque c'est la guerre 14-18. Il fait un grand reportage à Reims, devant la cathédrale, bombardée. Il a fait un reportage magnifique. Et ensuite... Et par la suite, il a fait quantité de reportages. Par exemple, l'un qu'il a rendu célèbre aussi, c'est sur le Tour de France. Il a écrit l'expression « les forçats de la route », c'est lui qui a inventé les ça. Les forçats de la route. Les forçats de la route pour le Tour de France. Et puis, il a inauguré quelque chose grâce à son ami Henri Béraud, qui était directeur de collection, et qu'il a incité à transformer certains de ses reportages les plus intéressants en livres sur la traite des Blanches, sur le colonialisme en Afrique, Terre d'Ébène, sur le terrorisme dans les Balkans, les Comitadji. Tous ces livres ont été des best-sellers, autrement dit, ça a considérablement accru sa renommée. Donc à ce moment-là, en 1932, il est au sommet de sa célébrité. Peut-être son reportage le plus célèbre, tout de même, c'est celui en Guyane, enfin sur le bagne de Cayenne. Sur le bagne de Cayenne, qui a eu une influence extrêmement importante, puisque ça a permis à la fermeture de ce bagne. Qui a contribué à fermer fermer le bagne de Cayenne. Les hôpitaux psychiatriques, la Palestine, la traite des Blanches, vous l'avez dit, l'Afrique du Nord, et l'Afrique noire, sur la colonisation. Oui, bien sûr. Il est devenu l'ennemi du parti colonialiste. colonialiste. Il a été injurié, menacé de mort, etc. Et il a continué à dénoncer le colonialisme dans ce qu'il avait de plus abject, avec beaucoup de courage. Donc il a eu très vite cette réputation de talentueux dans l'écriture, d'intrépide dans le choix des sujets et d'indépendance d'esprit jusqu'au bout. Merci Jean-Claude Guibaud. Donc d'où l'expression, pardonnez-moi, que nous, au Prix Albert Londres, on emploie souvent, il s'agit de porter la plume dans la plaie. Ah ouais, c'est sa grande expression d'Albert Londres. Merci donc Jean-Claude Guibaud. Je vous propose de nous retrouver dans une trentaine de minutes. Le temps d'écouter Albert Londres, dernier reportage. Une fiction écrite par Renaud Meyer, spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. La réalisation est signée Baptiste Guiton. Mon Dieu, Shanghai est le pire endroit que la Chine ait vu naître. D'ailleurs, c'est l'anarchie. Mais ici, c'est le pognon qui gouverne. Il y a toutes les sauces. Le jeu, la drogue, le sexe. Et tous se prosternent devant ce veau d'or à 10 pœus. C'est écœurant. Pardon, excusez-moi. Pardon. Excuse me. Je vais finir par me faire écraser par une voiture ou un tram. Il y en a partout. Et c'est pousse-pousse. Ça grouille, ça boit, ça vend, ça vole. Qui gouverne ici? Qui? Les trafiquants chinois? Les japonais en armes? Les bolcheviques depuis Moscou? Ou bien la France, qui se tait et qui laisse faire? Excuse me. Pourquoi j'ai accepté ce dîner au lieu d'embarquer tranquillement pour Marseille? Ce type qui me colle, j'ai l'impression qu'il me suit. Mauvais pressentiment. J'ai voulu dénicher l'affaire du siècle, fouiller les entrailles de la Chine, triturer l'âme des vendeurs d'opium, tout ça pour renouer avec le succès, et maintenant me voilà gagné par la paranoïa. À moins que ce type ne me suive vraiment. Il va me loger une balle dans la tête et adieu mon grand retour. Je vais ralentir et le laisser passer. Faire semblant de... Merde, il est plus là. Tant mieux. Je suis en nage à force de courir. Restaurant Le Petit Palace. C'est ici. 23 avril 1932. Albert Londres se faufile dans les rues de Shanghai pour rejoindre le port. Ce soir, il doit prendre le bateau qui le ramène en France. Voilà 4 mois qu'il couvre le conflit sino-japonais pour le compte du quotidien Le Journal. La guerre a débuté en 1931. L'armée nippone a envahi la Mandchourie, puis bombardé Shanghai durant 6 semaines. Le Japon est déterminé à s'emparer de la ville. Tout cela sous l'œil indifférent des Occidentaux, cantonnés dans leurs concessions acquises au XIXe siècle. Malgré le peu d'intérêt qu'il porte au métier de correspondant de guerre, Albert Londres est resté en Chine pour relater les faits, et cela ne l'amuse guère. À 48 ans, Londres est une vedette du journalisme, et même si ses dernières enquêtes n'ont pas eu le succès escompté, chacun de ses reportages est un événement. S'il est à Shanghai, c'est qu'il a déniché autre chose, de quoi déchaîner les foules et faire à nouveau parler de lui. Il ne pense plus désormais qu'à rentrer en France pour divulguer cette affaire. Mais avant de partir, il a accepté de dîner avec un vieil ami, officier de la coloniale. Mon cher Albert, restez encore un peu avec moi, voyons. Je quitte Shanghai dans seulement 15 jours. Nous ferons la traversée ensemble. Votre compagnie sera un tel plaisir. Non, je dois prendre le bateau ce soir, sans faute. Partir, toujours partir. Vous êtes infatigable. Vous n'avez pas changé. Que voulez-vous ? L'humanité est partagée en 2 catégories. Les gens qui ont des meubles et les gens qui ont une valise. Oui, mais vous allez partout où votre valise vous conduit, vous lui obéissez, sans broncher, je vous croyais plus indépendant. Oh, ma chère vieille valise en peau de porc, je l'ai perdue, vous savez. Ah bon ? Pourtant, j'avais promis à Albin Michel de lui rédiger les mémoires de ma valise. Enfin bon, tant pis. J'ai de nouveaux bagages, maintenant, en cuir bien épais. Vous ne voulez pas souffler un peu ? Plus tard, quand j'aurai fait 2 tours du monde, je ne compte pas mourir tranquillement dans mon lit entre une pension de retraite et un livret de caisse d'épargne. Et qu'est-ce qui vous pousse, sans cesse? Et vous, qu'est-ce qui vous pousse? Le métier, non? Oui. À vous, la coloniale. À moi, les reportages. Mais allez, je vais vous faire une confidence, monsieur l'officier. Après la Chine, je me pose. Et qu'allez-vous faire? Rentrer à Vichy, retrouver les miens. M'installer, peut-être à Toulon. Marier ma fille, et puis me marier par la même occasion. Oh, un double mariage. Pas mal, non? Ma fille Florise s'est entichée d'un marin. Mais un type délicieux. Oh, mais qu'allez-vous faire dans le mariage? Adieu le grand reportage? Oh, si je pouvais ne faire que de la poésie et du roman... Oh, pas à moi, à Londres. Vous me cachez quelque chose. Pourquoi voulez-vous rentrer absolument aujourd'hui? Parce que j'ai des révélations qui ne peuvent pas attendre. Ah. Quel genre de révélations? De la dynamite. Explosif? De quoi éclabousser la Chine, le Japon et même la France. Jusque dans les rangs du gouvernement. Vous voulez tout faire sauter? Vous connaissez mes talents d'artificier. Et qu'est-ce que c'est? Allez-y. Je vous écoute. Ne comptez pas sur moi. Mes confidences s'arrêtent là. Hein? D'ailleurs, il faut que je vous quitte. Vous n'avez pas terminé votre dessert, il y a encore le café et le cigare et les alcools. Non. Quelle heure est-il? Vous n'avez pas de montre? Jamais. Et vous ne ratez aucun rendez-vous. Oh tiens, vous avez fait tomber votre chapeau. Oh. S'il croit que je vais lui déballer ma marchandise comme un bleu entre la poire et le fromage. Mais oui, ma dernière enquête c'est de la dynamite. Une vraie bombe. Et quand elle va exploser... Allons, Albert, posez ce chapeau et terminez votre dessert, ils vont servir le café. Non, il faut que j'y aille, maintenant. Vous connaissez la ponctualité des messageries maritimes. Vous avez tout votre temps. Cette horloge est à l'heure? Ben, pourquoi ne le serait-elle pas? J'avais l'impression qu'il était plus tard. Nos conversations suspendent le temps. Asseyez-vous. Ne me faites pas rater mon bateau. Alors, cette dynamite, je vous écoute. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder en rigolant? Comme s'ils avaient fait une mauvaise blague? Ce sera plus explosif que le bagne? Que la traite des Loirs? Potache, ces officiers. Albert! N'insistez pas! Albert Londres devient cachotier. Mes amis, il ne veut pas me raconter sa toute dernière histoire, le reportage le plus explosif jamais réalisé. Oh. Albert, une histoire. Oui. Albert, une histoire. Messieurs, c'eût été avec plaisir, mais mon bateau m'attend. Une autre fois. Vous connaîtrez les révélations de cette enquête par les journaux. Inutile de vous presser, Albert. Votre bateau est certainement déjà parti. Il me reste juste assez de temps pour sauter dedans. Ne vous fiez pas à cette horloge. Elle n'est pas à l'heure. Pas à l'heure? Nous n'allions pas vous laisser filer comme ça. Alors, cette enquête explosive... Vous ne m'aurez pas. Allez, adieu, messieurs. Oh, Albert! Non. Ces officiers et leurs blagues idiotes. Comment ai-je pu être assez stupide pour me laisser avoir? J'aurais dû me méfier. Ils ont changé l'heure pendant que je ramassais mon chapeau. Ah, les cons. Les cons. Si je rate ce bateau, je suis foutu. Mon enquête sera à l'eau. Il faut que je cours. Allez. Ne pas s'arrêter. Bon sang. Les cloches. Ils vont partir sans moi. Merde! Ah! Mon cœur va lâcher. J'ai plus l'âge de tout ça. Je me suis empâté. Mais j'aurai ce bateau. Il retire la passerelle. Attendez! Allez, monsieur, on se dépêche, là. Merci, monsieur. Ah, il était moins une, hein? Ils ont voulu me faire rater mon départ, mais je les ai eus. Albert Londres embarque à bord du Georges Philippard, direction Marseille. Ce navire flambant neuf de 170 mètres de long, qui accueille 500 passagers et 260 membres d'équipage, effectue sa première traversée. Parmi les voyageurs se trouvent de vieux amis d'Albert Londres, Suzanne et Alfred Langvillard, qu'il a connu en Argentine. À 57 ans, Alfred est un homme d'affaires brillant et bedonnant, à l'aise dans le commerce des céréales comme dans celui de la banque. Suzanne, de 20 ans sa cadette, est une riche héritière suisse à la beauté moderne. Ils aiment l'aventure et le grand large. Ils ont donc toutes les peines du monde à croiser Albert Londres, qui s'est enfermé dans sa cabine de première classe pour rédiger frénétiquement son enquête. Oui ? Monsieur Londres a demandé du thé ? Suzanne, Alfred, vous voyagez sur le Georges Philippe. On ne vous dérange pas? Je vous ai aperçu ce matin. J'ai voulu vous appeler de loin et puis hop, vous aviez disparu. Une chance que vous m'ayez reconnu. Je me suis tellement empâté ces derniers mois. Cette barbe cache le temps qui passe. Et les enfants, ils sont avec vous? Les garçons sont restés sagement avec leur petite sœur pendant que les parents s'amusent à l'autre bout du monde. On s'amuse à s'implanter sur le marché du soja. C'est une croisière studieuse. Et vous, mon cher Albert, encore au travail? C'est le bon Dieu qui vous envoie, mes amis. Si vous saviez, je rapporte dans mes bagages une enquête explosive. Vous êtes infatigable. Mais pour la première fois, j'ai peur. Vous craignez le scandale? Oh non, je cherche toujours le scandale et souvent je le trouve. Non, non. Cette fois, je crains pour ma vie. Vous avez reçu des menaces de mort? On me suit. On m'épie. Je le sens. D'abord à Shanghai, et maintenant sur ce bateau. La poudre ou le couteau finiront par m'atteindre et me faire taire. Renoncer. Ah, c'est mal me connaître. C'est quoi cette affaire? J'aimerais crier ma découverte au monde entier tellement je la trouve étourdissante, mais... Vous sauriez garder un secret? Je suis une tombe. Moi aussi. Vraiment? Promettez. Parce que ce que je rapporte là est phénoménal. Je risque ma vie à tous les instants. Et vous aussi, du moment que je vous aurai divulgué mon secret. Allez, allez, on vous écoute. J'ai la preuve que les bolcheviks fournissent des armes à la Chine afin de peser dans le conflit sino-japonais. Rien que ça. La Chine paie ses armes avec l'argent de la drogue, opium, héroïne, cocaïne. Cette drogue est acheminée vers la France pour approvisionner la plaque tournante de Marseille. Et je connais assez la canne-bière pour savoir qui achète et revend la marchandise. Le père. Un chinois qui tient un bar sur le port. Mais c'est terrible. Vous comprenez pourquoi le rêve de tout malfaiteur international est de devenir patron d'un bar à Marseille? Mais il faut arrêter ces gens. Bien sûr, Suzanne. Sauf que les trafiquants français, fournis par les Chinois, sont couverts par notre gouvernement, via le ministère des colonies et ses ramifications en Orient. La France soutient donc indirectement les bolcheviks pour des histoires de pognon. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Certain. Tout est noté dans ces carnets. Et sera rédigé en détail avant notre arrivée à Marseille. Ça va faire du bruit. Tout le monde trempe dans cette affaire. Se paie au passage, hein, les grands comme les petits, à Shanghai, Moscou, Paris. J'ai là de quoi tout faire sauter. La Chine, les bolcheviks et le gouvernement français. Laval, Tardieu et les autres. Vous voilà dans de beaux draps. Il faut m'aider. Que voulez-vous que nous fassions? Si vous comptez sur nous pour vous défendre contre les coups de fusil... Vous savez taper la machine, Suzanne. Oh, ça fait une éternité. Mais... Je crois que je saurai encore, oui. Je rédige mon enquête et vous en faites une copie que vous gardez avec vous. S'il m'arrive quelque chose avant que je ne la donne au journal, vous ferez éclater le scandale à ma place. Qui vous soupçonnerait tous les deux de vouloir dynamiter l'ordre mondial? L'ordre mondial? Comme vous y allez? Vous risquez surtout de vous faire traiter de tous les noms. Je sais, menteur, canaille, ramasseur de mégots. Je m'en moque. J'aime le parfum du scandale et je n'arrive pas à me passer de lui. Votre côté Don Quichotte, c'est tellement charmant. Comment vous refusez nos services? Vous pouvez compter sur nous, Albert. Je le savais. Merci. La découverte supposée d'Albert Londres n'est pas sans fondement. Les bolcheviks, conduits par Staline, ont alors tout intérêt à vouloir se débarrasser du Japon, devenu l'ennemi numéro un. D'abord... parce que l'ancienne Mandchourie, devenue Manchukuo, sert de base d'expansion au Japon en direction de la Sibérie. Ensuite, parce que le Japon s'est juré de détruire le communisme. À qui cependant les bolcheviks auraient-ils fourni des armes? à Chiang Kai-shek, ennemi juré lui aussi des communistes, ou bien à Mao, farouchement opposé à la doctrine stalinienne. L'équation reste obscure. Quant à la corruption des élus de la République française, il est peu probable qu'Albert Londres en ait eu la preuve irréfutable, même si l'époque est au scandale en tout genre. Mais Albert Londres aime la littérature autant que le journalisme, et se rêve toujours au cœur d'intrigues qu'il tisse à mesure que l'histoire se déroule. Il croit alors à son reportage comme à la réalité. J'aurais dû laisser tomber ce boulot infernal depuis longtemps. Tout ça pour la célébrité, pour qu'on ne m'oublie pas. Quelle connerie. Ma femme est à des milliers de kilomètres. Et moi je suis seul au bar du Georges Philippe à regarder ces beautés qui s'agitent en buvant du champagne. Je serais mieux dans mon jardin, à Vichy, avec Florise et ma future petite femme. Cela dit, contempler Suzanne n'est pas désagréable. Elle est délicieuse dans ce coucher de soleil, avec sa petite robe courte, son collier de perles et sa coupe à la garçonne. On dirait que sa tête va se poser dans les eaux turquoises du Sri Lanka. Et bientôt, ce sera celle du Kerala, puis le Yémen. Et quand nous serons à Djibouti, j'aurai terminé. S'il vous plaît, barman, une autre coupe de champagne. Bien, monsieur. Dans quelques jours, tout sera sur le papier. Ils sauront tout. Je serai libéré de ce type qui m'espionne. Je suis certain que c'est le Chinois qui me pistait le soir de mon départ. Il portait une barbichette et l'habit traditionnel, mais il s'est rasé. Il pense passer inaperçu dans ses vêtements occidentaux, mais c'est lui, je le reconnais. Il frappe le rythme de la musique avec son pied, ne parle jamais à personne. Parfois au maître d'hôtel des premières classes, histoire de glaner des informations sur moi. Son œil me fixe, et puis il part se promener sur le pont, disparaît, et le voilà de nouveau là, qui m'observe. Merci. Sûrement un envoyé du général Wu Tetchen. Il tient tout, celui-là. La mairie de Shanghai, les commerces, la drogue, les armes. Et bientôt la tête d'Albert Londres dans une petite boîte. À votre santé. Hein. Avant que nous disparaissions tous au fond des mers. On ne fait pas couler un navire où les gens s'amusent, monsieur. Une femme m'a lu les lignes de la main avant mon départ. Elle m'a dit de me méfier de l'eau. Que les océans allaient me porter malheur. Elle a dû confondre l'agitation des océans avec le remous des bulles de champagne. Vous avez déjà avalé 5 coupes, monsieur. Méfiez-vous de l'alcool. On n'a plus l'esprit très clair à force de boire. Et que voulez-vous ? Je cherche à travailler, mais c'est toujours la fête sur ce bateau. J'ai beau m'enfermer dans ma cabine, j'y suis toujours dérangé. Vous travaillez à un nouveau livre ? Vous êtes monsieur Londres, n'est-ce pas ? Albert Londres. Oui. Je le savais. Je vous ai reconnu tout de suite. Moi qui pensais rentrer en France incognito. Vous pouvez toujours vous cacher sous votre chapeau et laisser votre barbe vous manger le visage. Je vous aurais reconnu entre 1000. Mon chapeau, j'y cache surtout ma calvitie. J'ai lu votre bagne et ensuite Biribi. Quelle claque, quelle force, quelle... Le bagne, je l'ai lu 2 fois. J'y étais, bon sang. Avec vous, avec eux, dans l'enfer. Vous êtes un as, monsieur Londres. C'est gentil. Mais comment vous faites pour dégoter la bonne affaire ? Oh. Quel flair vous avez ? Faut juste essayer d'être là pour le grand jour. Et ce jour, ça fait souvent attendre des mois, parfois des années, alors il faut être patient. Vous savez défendre les bonnes causes. C'est épatant. Les bonnes causes. Toucher une petite parcelle d'humanité en écoutant les gens, c'est déjà pas mal. Un jour, on supprimera le bagne et ce sera grâce à vous. Et cette fois, alors, vous lui ramenez quoi, monsieur Albin Michel ? Permettez que j'en garde la primeur à mon éditeur. Allez, soyez chic. Ça concerne la Chine, votre nouvelle enquête ? Ça vous intéresse tant que ça ? Je suis curieux de ce que vous allez nous pondre cette fois. Inutile d'insister. Allez, on n'a pas Albert Londres tous les jours devant soi. Vous voulez me saouler complètement pour me tirer le verre du nez ? Monsieur, voyons. Allez, santé. Oh, ma tête. Je commence à partir. L'alcool, le jazz et Suzanne qui ne peut plus s'arrêter de danser. Elle est survoltée. qu'est-ce que cette femme a dans la tête? J'ai toujours l'impression qu'elle est un peu ailleurs, qu'elle vit une vie qui n'est pas la sienne. Et ce barman, qu'est-ce qu'il mijote lui aussi? Si c'était un espion de mèche avec le chinois, un type chargé de m'assassiner, de me jeter par-dessus bord, il ne faut faire confiance à personne ici. Et garder la tête froide. Je vais arrêter de boire, mettre ce barman sur une fausse piste. Ensuite, j'irai me planquer dans ma cabine et je n'en sortirai plus jusqu'à Marseille. Ça concerne la Chine. Pardon ? Mon enquête. Ça concerne la Chine. Et surtout, ne le répétez à personne. J'ai la preuve que les Américains font du trafic. Du trafic de quoi ? De thé. Mais qu'est-ce que les Américains font avec du thé ? Eh ben, du trafic avec les Anglais. Vous saurez tenir votre langue. Parole d'honneur. Je compte sur vous, hein. C'est un dossier sensible, pour pas dire explosif. Je peux avoir confiance en vous ? Oui, monsieur Londres. Dites, c'est qui le type là-bas ? Quel type ? Le chinois, avec ses petites lunettes rondes, en costume gris, qui met la mesure avec son pied. Vous le connaissez ? Jamais vu. Vous êtes sûr ? J'ai l'impression qu'il tournait autour de la femme d'un ami, mais j'ai dû me faire des idées. Bon. Eh ben, je vous laisse. Je vais me coucher. Mais votre enquête, c'est tout ce que vous avez à me dire ? Les Américains vont envahir le marché du thé grâce au roi d'Angleterre. Lisez les journaux à votre tour en France. Vous saurez tout. Bonsoir. Après les côtes du Sri Lanka et l'atoll de Minicoy, situé au milieu de l'océan Indien, le George Philipard approche des côtes somaliennes. Le golfe d'Aden sera bientôt en vue. Ce 15 mai 1932, une nouvelle fête est organisée pour la Pentecôte à bord du navire. Mais Albert Londres dîne tranquillement en compagnie de ses amis Langvillard, qui jouissent d'une terrasse de luxe dominant l'océan. Le repas s'éternise. On parle de l'assassinat quelques jours auparavant du président de la République, Paul Doumer, par un Russe blanc, de leurs souvenirs communs d'Argentine, du cours du blé et de l'avenir de la société Louis Dreyfus, dans laquelle Alfred Langvillard occupe un poste important. Vers 1h du matin, Albert Londres décide de rentrer dans sa cabine. Mais il ne quittera pas ses amis avant de leur avoir confié les derniers éléments de son enquête. Mais pourquoi ce soir, Albert ? Ça ne peut pas attendre demain ? Non, tout est là, j'ai terminé. Suzanne, vous pourriez dactylographier la suite ? Maintenant ? Il est plus d'une heure du matin, Albert. Tenez, c'est l'épilogue de mon enquête. La preuve irréfutable que le gouvernement français ferme les yeux sur les combines du général Wu Tetchen avec les Japonais. Wu Tetchen ? Le maire de Shanghai ? Et le président des commerçants de la ville. Et de tous les commerces, d'ailleurs. La drogue, les armes, les femmes. Vous êtes sûr de vous ? Je l'ai rencontré en mars, à Mukden. Mais pourquoi être allé jusqu'à Mukden pour rencontrer ce Wu Tetchen s'il est maire de Shanghai ? Parce que Mukden est dans le Manchukuo, et que le Manchukuo est un empire factice créé par les Japonais. Ils ont mis à sa tête l'ancien empereur, Puyi, qui obéit à leurs quatre volontés. Et à Shanghai, Wu Tetchen ramasse l'argent de la drogue qui sert à financer l'industrie du Manchukuo. Quand je l'ai rencontré à Mukden, Wu Tetchen m'a avoué tenir les bolcheviks, la France et le Japon dans le creux de sa main. J'ai tout noté dans mes carnets. Et quand il s'est aperçu que j'allais balancer ses révélations et faire exploser son petit trafic, il m'a envoyé une femme. Une femme ? Une femme pour négocier ? Oui. Quelques faveurs en échange de mes carnets. Wu Tetchen voulait récupérer mes notes et sa parole. Vous avez cédé aux avances de cette femme ? J'ai toujours mes carnets, Suzanne. Très bien, Albert, mais votre enquête peut attendre demain. Le général Wu Tetchen n'est pas à bord de ce bateau. Il a envoyé un homme pour me tuer. Me planter une lame entre les omoplates ou me balancer par-dessus bord. Peu importe, il trouvera le bon moyen et le bon moment. J'en suis sûr. Et vous aussi, faites attention. Pourquoi nous ? Vous prenez des risques considérables en vous affichant avec moi. Ces gens-là ne plaisantent pas. Supprimer un témoin gênant ne leur fait pas peur. Vous n'avez pas l'air de mesurer la situation. Calmez-vous, Albert, je vous crois. Oui, Albert, on vous croit. Vous avez l'habitude de ces individus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ne vous séparez de mon enquête sous aucun prétexte. Quand vous en aurez fait une copie, je reprendrai l'original. S'il m'arrivait quelque chose, remettez ces documents à Albin Michel. J'ai une totale confiance en lui. Ensuite, qu'il transmette ces éléments à la presse. Vous pouvez compter sur nous. Il est tard. Je vous laisse. Faites attention à vous. Bonsoir, mes amis. Suzanne et Alfred. Quelle chance de les avoir rencontrés. Ils seraient prêts à tout pour sauver mon travail des mains de la mafia chinoise. J'espère que je les ai pas fourrés dans un piège avec cette affaire. S'il leur arrivait malheur à cause de moi, qu'est-ce que j'avais besoin de leur parler de cette histoire? J'aurais dû me débrouiller tout seul. J'ai l'habitude. Je suis sur mes gardes, mais eux... Personne sur le pont. Les fêtards sont rentrés. On n'y voit rien. Tout ça me fout la trouille comme jamais. Vers 1h30, ce 16 mai 1932, Albert Londres rentre se coucher. 20 minutes plus tard, une odeur de caoutchouc brûlé s'échappe d'une cabine de luxe située à bâbord du pont D. Son occupante veut sonner le veilleur de nuit, mais la sonnette lui reste dans les mains. En quelques minutes, le feu gagne l'avant du bâtiment. Pourtant, le commandant Vic tarde à donner l'alerte. À 2h30, c'est la panique à bord. Les passagers sont tirés de leur premier sommeil. Ils ne savent comment fuir le navire en flammes. Une épaisse fumée a envahi les coursives. La plupart des canots de sauvetage sont mangés déjà par les flammes. Alors, hommes, femmes et enfants se jettent à l'eau par les hublots. D'autres périssent brûlés vifs dans leur cabine. Nul n'a aperçu Albert Londres. Les Langvillard s'inquiètent, car Londres logeait sur le pont D, là où a débuté l'incendie. Des membres d'équipage tentent de le retrouver. Monsieur Londres ! Monsieur Londres ! Vous êtes là ? Répondez ! Qui êtes-vous ? Je suis le barman des premières classes. Nous avons discuté tous les deux l'autre soir. Vous n'êtes pas blessé ? J'ai tout fait avec cette fumée et cette chaleur. J'y tiens plus. Où êtes-vous ? Je ne vous vois pas. Sur le pont supérieur, vous pouvez pas sortir de votre cabine ? Je suis cerné par les flammes, impossible de bouger. Passez par le hublot. Je vais vous tendre la main et vous remonter. Non, non. Pourquoi ? J'y arriverai jamais. Je vais tomber et vous emporter avec moi dans l'eau. D'accord, d'accord. Il y a un tuyau là. Je vais me faire glisser. Vous l'attrapez et je vous tire. Hors de question. Mais courage, monsieur Londres, vous l'attrapez avec vos deux mains et je vous remonte. N'ayez pas peur, je ne vous lâcherai pas. Hors de question d'abandonner mes appareils photos et mes papiers dans cette fournaise. Passez-les par le hublot, je les récupère, ensuite vous remontez avec le tuyau. Non. Non. Pas mes documents, je les garde avec moi. Si je vous les passe et qu'ils tombent à la mer, je peux dire adieu à mon enquête. Je ne survivrai pas. C'est plus important que ces papiers. Je préfère mourir plutôt que de les perdre. Il faut sauver votre peau, nom d'un chien. Je suis foutu. Laissez-moi. Vous êtes devenu fou. Allez, monsieur Londres, je ne pourrai bientôt plus rien pour vous. Donnez-moi la main. J'ai peur de basculer. Si vous tombez dans l'eau, un bateau viendra vous repêcher. Trop tard pour apprendre à nager. Vous ne savez pas nager. Bon, je vous descends le tuyau. Prenez-le, monsieur Londres, je vous en supplie. Prenez ce tuyau, allez. Monsieur Londres ! Monsieur Londres ! Merde ! Merde ! Vous avez sauté ? Répondez ! Je vous lance une bouée ! Je sombre. Je ne peux plus respirer. L'eau de mer a envahi mes poumons. C'est ainsi que ça devait finir. Ils ont eu ma peau. Cet incendie m'était destiné. Mon corps descend. Je le sens lourd. pourquoi n'ai-je jamais appris à nager? La honte, peut-être, ou bien l'orgueil. Ces carrés blancs qui flottent au milieu de la mer, ce sont les pages de mon manuscrit? L'encre s'efface, lentement, tandis que les feuilles vont me rejoindre au fond de l'océan. Alfred et Suzanne ont peut-être échappé au sinistre, en portant avec eux la copie de mon enquête. Je ne le saurai jamais. Ça sent le succès posthume. Même pas eu le temps de prévenir ma mère que j'allais rentrer. Même pas la joie d'embrasser Florise sur le quai de la gare à mon retour. L'épave du Georges Philippard continue de brûler durant 3 jours, dérivant vers le nord avant de sombrer. Albert Londres ne fait pas partie des 400 survivants recueillis par le pétrolier soviétique venu leur porter secours. En France, la nouvelle de la disparition du grand reporter suscite une vive émotion. Mais on se refuse à le croire mort, tant que son corps n'aura pas été retrouvé. Les langues Villard, qui ont échappé au naufrage, font escale à Djibouti. Ils déclarent alors à la presse être dépositaires de la pensée d'Albert Londres et vouloir en informer le gouvernement français à leur retour. La presse s'enflamme. Qui Albert Londres va-t-il cette fois mettre en cause? Car ce redresseur de tort, indomptable et désobéissant, combat tout ce qui s'apparente au pouvoir et à la finance. Suzanne et Alfred Langvillard s'envolent de Brindisi pour Marseille dans un petit avion dépêché spécialement pour eux par le journal L'Excelsior qui attend leur révélation. La dynamite d'Albert Londres n'a jamais été aussi prête d'exploser. Les enfants doivent être morts d'inquiétude. Heureusement qu'on ne les a pas emmenés avec nous. Pourquoi tout cela est-il arrivé, Alfred? Quelle abomination! Je ne pensais pas connaître ça un jour. Un court-circuit dans la machinerie, tu parles? Sur un bateau tout neuf, 50 morts, c'est à peine croyable. Les images de ces gens hurlant dans la nuit, je n'arrive pas à m'en défaire. C'est là, présent, tout le temps. Cette panique terrible et la fumée partout. Je la sens encore dans la gorge. C'est que tu es bien vivant. Tu as échappé à cet enfer, pense à Albert. Je ne pense qu'à lui, si tu veux savoir. Il est peut-être quelque part au large du Yémen, sain et sauf, qui sait. Il y a peu de chance. Je lui dis sur tous les tons, profitez de la piscine pour apprendre à nager. Il m'a toujours regardé avec son air de ne pas y toucher, tu sais, le petit sourire de celui qui a survécu à tellement de choses, le type qui saura s'en sortir quoi qu'il arrive. Quel entêté! À croire qu'il voulait périr dans ce voyage. Pourtant, il était sur ses gardes. Il n'a cessé de nous répéter qu'il se sentait suivi par ce Chinois. J'ai l'impression d'une fatalité qui s'est abattue sur lui. Ça n'a rien d'une fatalité. L'incendie du Georges Philippard est d'origine criminelle. On ne m'ôtera pas ça de l'esprit. Cette histoire est complètement folle. Albert se disait espionné, menacé. Le bateau prend feu comme par enchantement et notre ami disparaît dans le naufrage. Ils ont peut-être réussi à supprimer l'homme, mais pas son enquête. Il est toujours avec nous. Voilà pourquoi nous sommes devenus la cible. Tout le monde est au courant de ce que nous rapportons dans nos bagages. Il va falloir être prudent, Suzanne. Très prudent. Ne faire confiance à personne. Tu crois que nous aurions dû renoncer à prendre cet avion? On n'avait pas le choix. Et puis tu ne trouveras pas meilleur pilote que Goulette. C'est un champion, il a tout fait. La Réunion, Madagascar, Saïgon, Alexandrie. Je te passe la croix de guerre et les citations. Il conduit son engin les yeux fermés. J'ai peur, Alfred. Quand cette affaire aura éclaté, on ne craindra plus rien. Le Langvillard n'atterrira jamais sur le sol français. Malgré l'expérience du pilote, leur avion s'écrase sur une colline non loin de Rome. Il n'y a aucun survivant. La police italienne fait le ménage avant que les curieux n'arrivent. Pas de trace du reportage d'Albert Londres parmi les débris de l'appareil. Comment ne pas voir alors, dans cette double tragédie qui poursuit et frappe Albert Londres et ses amis, une tentative réussie de faire disparaître toute preuve d'une enquête explosive dont l'existence était rendue publique en France avant même que les époux Langvillard ne décollent de Brindisi. Les conjectures iront bon train, mais aucune preuve ne sera jamais apportée. l'énigme sur la mort et le dernier reportage d'Albert Londres demeure. Albert Londres, dernier reportage de Renaud Meyer avec Albert Londres, Thierry Frémont, Suzanne Langvillard, Capucine Espinasse, Alfred Langvillard, Laurent Claret, l'officier Jean-Gabriel Nordman, le barman Julien Campagny et les voix de Stéphane Sestac, Élodie Vincent, Randiane Nali et Louis-Marie Audubert, bruitage Bertrand Amiel et Élodie Fiat. Prise de son montage et mixage, Philippe Bredin et Victoria Aspert. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Baptiste Guiton. Autant en emporte l'histoire, jusqu'à 22h sur France Inter. Dans un instant, la suite de notre entretien avec Jean-Claude Guibaud sur Albert Londres. X Only sur France Inter dans Autant n'emporte l'histoire, une émission réalisée par Antoine Dabrowski, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Vincent Godard. Albert Londres est donc mort le 16 mai 1932, noyé lors du naufrage du paquebot Georges Philippard dans l'océan Indien au large de l'actuel Yémen. Donc il fait partie des 50 passagers qui n'ont pas pu être secourus. Jean-Claude Guibaud, alors à votre avis, Albert Londres, est-ce qu'il est mort des suites d'un attentat, le visant lui particulièrement, ou bien est-il mort, eh bien, tout bêtement, parce qu'il ne savait pas nager et qu'il n'a pas pu y échapper à ce naufrage? J'aimerais bien que la légende qui court depuis plusieurs décennies soit vraie. Oui. Parce que pour un reporter qu'il était, pour un reporter de guerre, Quoi de plus romanesque que de mourir victime d'un attentat, alors qu'on s'apprête à faire des révélations qui vont troubler des mafias, des gangsters, troubler l'ordre mondial. Voilà, et donc cette thèse de l'assassinat, en fait, déguisé, grâce à l'incendie volontaire d'un paquebot, ça court depuis très longtemps, presque depuis 1932, depuis l'origine, et ça serait romanesque. Malheureusement, je pense que maintenant, cette thèse complotiste a été assez largement démontée. Ah, vous êtes sûr de ça? Je suis quasiment sûr de ça. Et je suis presque au regret de le dire, mais oui, il se trouve que aux éditions Arléa, on a publié un livre d'un chercheur qui s'appelle Bernard Caillé. Et ce livre qui s'appelle Albert Londres, Terminus Garde à Fuy, c'est le cap des aromates, là au large de la pointe de la Somalie. Là où le paquebot a fait naufrage. Je pense qu'il démontre assez, de manière pratiquement irréfutable, que ça n'est pas un attentat, que c'est un accident tragique, qui est lié à une défaillance du système électrique de ce paquebot ultramoderne. Et que, à l'aller, je l'ai appris moi-même en lisant ce livre, il y avait eu plusieurs pannes techniques, électrique, assez grave. Oui, quant au reste, il y a des éléments troublants dans cette histoire. Alors, les Langvillard qui se retrouvent avec ce document après la mort d'Albert Londres, et eux-mêmes sont victimes d'un accident d'avion. C'est précisément l'accident d'avion des Langvillard, qui étaient des amis proches d'Albert Londres, qui étaient avec lui sur le bateau, et surtout à qui Albert Londres avait demandé à Madame Villard de lui taper à la machine les textes qu'il était en train d'écrire. Mais il y a quand même confié, il leur a confié quand même un document. On ne sait pas s'il lui avait confié. C'est ce qu'ils ont dit à Djibouti quand ils ont été mais en fait, on est absolument pas sûr qu'il lui ait confié les documents, et qu'on n'a jamais retrouvé en effet. Mais en tout cas, c'est cette disparition des Langvillard qui a accrédité et qui a même contribué à construire cette hypothèse complotiste. Est-ce qu'on a une idée, malgré tout, aujourd'hui, des révélations soi-disant explosives que voulait publier Albert Londres, justement, cette fameuse dynamite? On n'a pas une idée précise, mais on a quand même une idée assez proche, disons. Il faut garder en tête que cet accident, cette mort d'Albert Londres, se passe en 1932, au moment où, en Allemagne, les nazis sont sur le point d'accéder au pouvoir. Quel rapport avec la Chine, Jean-Claude Guibaud, s'il vous plaît? Un rapport direct avec la Chine, parce qu'on ne sait pas encore quelle sera l'option du Japon. Ah, oui, est-ce que le Japon va rejoindre, au fond, les nazis pour les forces de l'Axe, pour des raisons qui leur sont propres, cette ère de coprospérité asiatique qu'ils veulent créer dans tout le Pacifique, donc contre les États-Unis, ou est-ce qu'ils vont se cantonner à la Chine, etc. Il y a des gens qui sont à peu près convaincus que, parmi les révélations que s'apprêtait à faire Albert Londres, qui portait évidemment aussi sur la corruption, sur le rôle des triades, les triades c'est la mafia chinoise, qui peuvent aussi avoir des liens avec l'Indochine française, parce que le trafic des piastres commis par les colons, voire même par des fonctionnaires français, passait par la Chine. C'est un trafic qui jouait sur la différence de cours des piastres selon qu'on les vendait. Les piastres, c'était les pièces de l'époque. Les piastres, c'était la monnaie de l'Indochine à l'époque. Donc, tout cela, si vous voulez, sur fond extraordinairement romanesque de l'offensive japonaise en Chine, de la cohabitation guerrière entre Mao, les maoïstes qui sont déjà là, la longue marche, et puis Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, donc, qui s'oppose à Mao. Qui s'oppose à Mao et sur lequel jouent évidemment les Américains. Sur ce fond-là, en effet. Et en plus, il y a la Russie bolchevique, c'est ce que dit la fiction. Il y a la Russie bolchevique. Et donc, je pense que les révélations d'Albert Londres n'étaient pas liées simplement à la dénonciation d'un trafic français. En fait, je pense que c'était lié à cette configuration planétaire qui se décidait et qui va gouverner toute la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose de capital. En l'année qui a suivi sa mort, sa fille, Florise, crée le prix Albert Londres de grand reportage dans le but de maintenir vivante donc, la mémoire de son père, mais aussi sans doute pour perpétuer une certaine manière de faire et de concevoir le journalisme, le grand reportage. Un style et une éthique, est-ce qu'on peut dire ça comme ça d'Albert Londres? Est-ce que c'est quelque chose qui est perpétué aujourd'hui, justement, chez les journalistes actuels? J'allais dire plus que jamais, parce que je suis au jury. Alors maintenant, j'ai connu trois présidents, parce qu'il y a eu Henri Amourou, il y a eu ensuite Josette Alia du Nouvel Observateur, et maintenant c'est Annick Cogan d'être présidente. Et chaque année, quand on remet le prix dans une capitale étrangère, on fait référence explicitement à cette éthique, en citant une phrase d'Albert Londres bien connue, que je résume, il ne s'agit pas de porter un tort à un tel ou un tel, il s'agit simplement de porter la plume dans la plaie. Et c'est une assez belle définition de ce métier. Et le style d'Albert Londres, est-ce qu'il est toujours actuel? Est-ce que c'est pas un peu ringard, entre guillemets? Très honnêtement, les jeunes lauréats compris, mais il faut avoir moins de 40 ans pour avoir le prix. Donc forcément, chaque année, nos lauréats, ils ont... C'est pas juste pour les vieux. Les lauréats, ils ont entre 27 et 39, quoi, en gros, quoi. Et la plupart avec du temps... Avec de plus en plus de femmes. Comme on leur offre toutes les œuvres d'Albert Londres, ils sont eux-mêmes sidérés de la modernité de cette écriture. Non, franchement, on pourrait publier des articles d'Albert Londres tels quels dans la presse, ils paraîtraient plus modernes. Un style, comment on pourrait le définir, sec. Ce style? Un style sec, sans fioritures, avec beaucoup de dialogues. Et en même temps, très proche un journaliste qui dit « je », qui s'implique. Dit « je », oui, mais qui s'implique, mais qui implique surtout les gens. C'est un style incarné, comment vous dire. Il n'y a pas de considération générale, il n'y a pas de... Si les problèmes sont expliqués, sont dénoncés, par exemple le colonialisme en Afrique noire, etc., c'est à travers des témoins qui parlent, à travers des visages, à travers des rencontres. Il n'y a pas une idéologie derrière. Il n'y a pas une idéologie préfabriquée derrière, non. Et c'est pour ça qu'on a souvent l'habitude de dire, nous, quand on discute au jury ou quand on discute avec les jeunes lauréats, en fait... Le vrai risque quand on est grand reporter, c'est pas forcément de prendre une balle perdue ou de mourir sur un paquebot incendié. Le vrai risque, c'est d'être capable de mettre en jeu ses propres convictions. C'est-à-dire de mettre sur la table ses préjugés. Et si ce qu'on découvre vient combattre vos préjugés, acceptez de déranger son petit équilibre intérieur. Et Albert Londres, chaque fois, me semble-t-il, l'assumait magnifiquement. C'est-à-dire ne pas partir en reportage avec déjà une interprétation dans la tête, ce qui est souvent le cas. Que Albert Londres ait été victime ou non d'un assassinat, cette histoire montre quand même que dans l'exercice du métier de journaliste, on peut prendre des risques, aussi des risques physiques, c'est quand même important, on le sait. On peut lire sur le site de Reporters sans frontières aujourd'hui que depuis janvier 2016, 22 journalistes ont été tués, 162 journalistes ont été emprisonnés. Je vais vous dire, moi j'ai présidé Reporters sans frontières pendant 7 ans. Et pendant ces 7 années-là, la moyenne de journalistes tués dans l'exercice de leur métier et parce qu'ils exerçaient leur métier, la moyenne annuelle était d'une soixantaine. Et chose nouvelle depuis une trentaine d'années, pas seulement par les polices, par les forces, mais souvent par des groupes privés. Par exemple, beaucoup de journalistes tués par les trafiquants de drogue en Amérique latine. Il y a un journal qui s'appelle El Espectador qui a perdu jusqu'à 13 ou 14 journalistes de sa rédaction. Le 27 mai dernier à Londres, le jury du prix Albert Londres a décerné le prix à Claire Ménial du Point pour ses reportages en Afrique, notamment sur l'épidémie d'Ebola au Nigeria, et le prix audiovisuel à Sophie Nivelle-Cardinal et Étienne Huvert, journalistes indépendants, pour leur reportage disparu, La guerre invisible en Syrie. Merci beaucoup Jean-Claude Guibaud. Je signale que vous avez édité les œuvres complètes d'Albert Londres en deux gros tomes. C'était important de le faire. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été fait. Disponible aux éditions Arléa. Vous êtes l'auteur aussi du Tourment de la guerre, qui vient de recevoir le grand prix de l'essai de la Société des gens de lettres. Et je signale également donc l'enquête dont vous parliez, Jean-Claude Guibaud, à l'instant, l'enquête de Bernard Caillé, Albert Londres, Terminus, garde à fuit, publié chez Arléa. Autant on emporte l'histoire est terminée pour aujourd'hui. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr. Je vous invite à découvrir le nouveau dessin de Nina Lueck. Vous pourrez aussi écouter les émissions que vous avez peut-être manquées, Drian, le sacrifié de Verdun, ou encore Rirette, Maître Jean, du col Claudine à la bande à Bonneau. Et bien sûr, j'attends avec impatience vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. Autant n'importe l'histoire, à partir d'aujourd'hui, part en vacances. Et oui, dimanche prochain, vous pourrez écouter les soirées d'été animées par l'excellente Aline Afanoukoué. Et nous nous retrouverons le dimanche 4 septembre pour une nouvelle saison d'Autant n'importe l'histoire. Très bon été à tous et très bonnes vacances si vous en prenez. Pour l'instant, dans quelques minutes, vous avez rendez-vous bien sûr avec Soro Solo pour l'Afrique en solo.